vous faut une bouteille d'eau là, parce que sinon je crame. Tout est KO. Oh, fais chier. Oups, pardon. Ok.